faire le monde avec un disque de rap, en racontant le monde et ses habitants qui dérapent. J'ai sur deux albums prolongé ma résonance, même en 21e siècle à l'odeur de l'essence. Anéantir, 23 années en clair, c'est trop tôt pour le bilan. Mais qui sait si je dois partir, tirer ma révérence ou bien marquer ma différence. De toute manière, j'écris mes morceaux comme ceux de la dernière chance, comme ceux de la dernière danse dans les plaines indiennes avant la triste échéance. Avant qu'ils mettent en marche leur manigance, car ils voudraient que j'abandonne ma barbe aux portes de la France. Que ma religion se résume au simple couscous merguez. On m'assimile citizen de seconde zone française, citoyen. Derrière un mur mitoyen qui sépare notre destin en fonction de nos moyens. J'ai l'étiquette du responsable de l'écroulement des tours. Ma femme a celle de l'épouse qu'on enchaîne à double tour. Enchaîner mes avant-bras et mes combats, et j'irai chercher mes couplets dans l'estomac de Lumumba ou dans les couches culottes usagées de Stephen Biko Jr. C'est par ma voix que je partagerai leur sort et en sortira ce qui devait en sortir, et on partira en véritable martyr. Anéanti par toutes ces forces que nos vies attirent. Anéanti par l'interprétation du mot martyr. Anéanti. Anéanti par tous ces clichés qui m'empêchent de vivre. Yeah, pour tous ces jeunes de l'époque condamnés à construire des châteaux de sable près des marais or. Faire le monde avec un peu d'imagination, racontant le monde en dénonçant ses machinations. Marginal, accusation machinale, leurs complots sont les vestiges de leur esprit colonial. Nous sommes à la même table que messieurs les carnassiers, quand la plupart d'entre eux souhaiteraient nous voir cadenassés. Notre état ne serait que le fruit du hasard, les juges décident de notre sort comme le pouce de César. Avec ceux qui sont morts se saluent, des arènes du Colisée jusqu'aux immeubles insalubres. Lorsque les flammes s'allument et que les poitrines frissonnent, être esclave au paradis vaut mieux que régner chez les hommes. Collectionner les articles dans le Time ne suffiront pas pour éteindre les soupçons qui me condamnent. Ils n'ont retenu que la lame et le visage du barbu. Et j'ai compris lorsque Poto est sorti de garde à vue, ce que je suis est tellement fort qu'ils en oublient mon discours. Merci à ceux qui ont su voir mon message d'amour. Parce que l'histoire est écrite par les vainqueurs, j'imprimerai dans leur cœur la mienne aux marques de piqueur. Et puis je voudrais rendre justice avant ma mort. J'irai graver Geronimo sur les têtes du Mont Rochemort. Et dans les mers profondes, je plongerai sans retenue. J'irai chercher le passé en passant par les Bermudes. Voici mes mémoires, le récit de nos morts. Sur un CD cellophané, j'ouvre la boîte de Pandore. J'aurai ma paix, mon répit, quand mon sang aura son prix. Quand s'écrouleront les continents des titans anéantis. Voici mes mémoires, le récit de nos morts. Sur un CD cellophané, j'ouvre la boîte de Pandore. J'aurai ma paix, mon répit, quand mon sang aura son prix. Quand s'écrouleront les continents des titans anéantis. Toutes ces forces que nos vies attirent. Anéanti par l'interprétation du mot martyr. Anéanti par tous ces clichés qui m'empêchent de vivre. Yeah, pour tous ces jeunes de l'époque condamnés à construire des châteaux de sable près des marais or. Anéanti par toutes ces forces que nos vies attirent. Anéanti par l'interprétation du mot martyr. Anéanti. Anéanti par tous ces clichés qui m'empêchent de vivre. Yeah, pour tous ces jeunes de l'époque condamnés à construire des châteaux de sable près des marais or. Près des marais or. Et pour tous nos frangins, nos petits frères qui sont obligés de construire sur ce qui est détruit. Yeah, frangins, Medine Soprano, Soprano Medine. Yeah, pour tous nos frangins anéantis, pour toutes nos sœurs anéanties. La force est de tout reconstruire, Inch'Allah. Yeah, écoute.